Er weer een uur, dat zullen we heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Hind à Brésonc. C'est l'heure de Hind à Brésonc, votre émission d'apprentissage du breton en compagnie d'Henri Lenaou, Kentel Perran, Eiza Anterkan, 458. 458. Voilà. Madame Traoré. Ya, ne ce que te glaime. Il n'y a pas à se plaindre. Der Hindmond. Alors aujourd'hui, j'avais pensé traiter un mot qui est pas très utilisé, qu'on vous rencontre de temps en temps, mais c'est un vieux mot breton, de racine celtique, qui est koun. K-O-U-N. Koun, qui est un mot masculin qui veut dire souvenir. J'ai entendu un groupe qui s'appelait koun, un groupe de musique avec Véronique Bourgeot au chant. Oui, bah oui, voilà, koun. Koun, souvenir. Et c'est un mot qu'on trouve dans plusieurs langues celtiques, hein. On le trouve en gallois, en cornique, en irlandais. Et la vieille forme celtique serait comen. Donc il y a de ça 2 ou 3 000 ans, quoi. Ça fait commémorer quand même. Hein. Oui, alors justement, il y a d'autres mots qui parlent de la mémoire. C'est envor, hein, un envor. Pluriel envorius, c'est un mot masculin aussi. Et mémor, hein, mémor, qui vient du latin, hein. D'ailleurs, on dit in memoriam, hein, et commémorer, justement. Oui. On voit ça sur les monuments aux morts aussi. Ces deux mots-là, envor ou mémor. Oui, de temps en temps, oui. Voilà. Alors, koun est moins répandu, hein. Mais on le trouve d'ailleurs sous la forme composée, on va y revenir tout à l'heure, engun, hein, la vieille, qui est la tradition, en fait, hein. Nengun. Et puis avec ça, on a fait un adjectif qui est hengunel, donc traditionnel. Hein. Alors on est rosengunel, la musique traditionnelle. Voilà. Alors il y a pas mal de mots qui sont dérivés de kun. Par exemple, kunaat, hein, avec deux a. Donc le participe passé kunet, hein, qui est se souvenir, commémorer justement. Hein. Voilà. Alors Kunaer, j'ai trouvé celui-là dans un dictionnaire, c'est un mémorialiste. C'est pas très facile à placer dans la conversation. Non. Kunaer, un mémorialiste. Donc, avec la mutation, puisque c'est un mot masculin, Hunaer. Voilà. Alors, de là aussi, dans la même racine, on trouve Anku, hein, un Anku qui est l'oubli, en fait. Ah, d'accord. Oh, je savais pas ça. Un Anku, oui. Alors, mais qui a pris un autre sens, hein, qui est la mort, en fait, la mort personnifiée, hein, qu'on représente par un squelette qui tient une faux montée à l'envers, hein, Nanku. Voilà. Alors, Nanku, beaucoup d'expressions et beaucoup d'histoires. Hein, Karich et le Nanku, hein, la brouette de la mort, Chlor Nanku, hein, la cloche de la mort, et puis tous les zeblans, hein, qui prévoient... qui sont des signes, des intersignes qui perdent. Les araignées. Voilà, tout ça. Les bruits de charrette. Voilà. Les bruits de charrette, voilà. Anku. Un Anku. Alors, il y a également le mot qui désigne l'oubli, hein, qui est un mot masculin aussi, un Ankwa, hein. Un oubli en général, hein. Un Ankwa Zobed, hein. Il y a eu un oubli. Bien sûr, qui a donné le verbe Ankwa, hein, avec deux A aussi. Donc en quoi d'oublier, dont le participe passé est en quoi, hein, ou du côté de Kyrgyz on dit plutôt en quoit, hein, donc ici on va dire en quoi, et à Kyrgyz en quoit, c'est la différence entre le braison de pline et le braison de ficelle. Il y a aussi une forme féminine, hein, enfin un mot féminin qui est en quoiden, hein. Donc, qui est un oubli, une mission. Hein. C'est un peu plus solennel que en quoi tout seul. Quoi. On aime bien en breton faire des choses comme ça, un peu emphatiques de temps en temps. En quoius, qui est oublié, oublieux, je veux dire. C'est-à-dire quelqu'un qui oublie facilement, ou bien une chose qui s'oublie facilement. Hein. Il y a des choses comme ça qu'on a du mal à retenir. Hein. Et puis. Ça dépend de notre mémoire aussi. Voilà. Alors, il y a une forme plus longue, hein, qui est Ankunarin, hein, Ankunaran, qui est une forme plus longue de Ankouad. Hein. Voilà. Kunadiges, c'est un mot qui correspond à la souvenance. Combien j'ai douce souvenance du beau pays de mon enfance. Oui, c'est joli. Oui, ouais, ça s'emploie plus tellement. Non. La souvenance. Hein. Voilà. Et Diankwa, inoubliable. Ou Dinankwa-us, hein. Inoubliable. Voilà. Alors, il y a encore quelques mots moins répandus. Igounian, c'est fureter, chercher. Oui, fureter, c'est bien. Et Igounior, le fureteur, celui qui cherche, le détective. Hein. Et puis, pour terminer, on en a déjà un peu parlé, c'est Engun, hein, bien sûr. Donc, la tradition. Hein, et Engunel, traditionnel. Voilà, Engun. Bon, ben, grême mon temps trop, war kun. On passe à la seconde partie de Hent à Brezhoneg, c'est Brezhoneg tamm a tamm. Brezhoneg tamm a tamm. D'aujourd'hui, donc, c'est une petite interview par Chanik de Job Nedelec, qui est l'ancien instituteur de Zantolec. Qui est allé au camp d'Arbob. Qui est allé au camp d'Arbob à Plouderien. C'est la commune à côté de Zantolec. Ah, oui. C'est Plouderien, c'est à l'ouest? Ouais, c'est au sud, sud-ouest, ouais. Sud-ouest. L'autre côté du Blavet. On traverse le Blavet et on est à Plouderien. D'accord. Il y a un pont, d'ailleurs. C'est vrai? Oui, il y a un pont. Salut, Job. Ma de jeu? Ya, ne ce que te glem, na oui. Ma trié, Job. Clévé de mus, orbet, blamant, roise, bah, cannabol. Oh, merde. Clévé de mus, orbet, blamant, roise, bah, cannabob, gand bugalé, skol, zantolek, mais, nor que mes skolkin? Non, noir me lève et on ne peine place au, mais mon de rente vége l'amzer, de rscol, visique au revugal et de gandan, à goberanze, gand plijadur, c'est tu pérez, gand bête bas plou derrien, gand heur vugal et vide quand heur bob, heur et cm tchantan à cm dou. A pisser quand heur, ouen peus quand heur? Di ou gand heur, ouen zavet gand philomena cadoré, heur vates vien de dientan, ag yannig ville viché, ou à l'air, gand heur, ouen ze bichetri de revugal et. Aider Armand Gonard? Ya, Chanik, à Prestigvo, un dédiouzan de Bapondi, à Hemgrand Orvugalé. Chance va donner, Job. Qu'est Norvégel? Ja, t'es Norvégel, Chandik. On va reprendre, phrase à phrase, ce dialogue. J'ai pas l'impression, Henri, qu'on ait exactement la même photocopie, puisque c'est de la photocopie manuelle, ici. Ouais, mais c'est pas grave. N'est que strict. C'est-à-dire, c'est pas la même chose qui est écrit sur ma feuille et sur celle d'Henri. C'est Henri qui se charge de faire de la photocopie manuelle. Ouais, salut, Job. Mad jeu. Oui, bonjour, Job. Ça va bien? Mad en jeu. Yann, est-ce que de glem? Jean-Nic, Naoui. Oui, il n'y a pas à se plaindre. Ne ce que te glaime, Naoui, c'est et vous. Alors il insiste, hein, c'est et vous, mais c'est na, hein, Naoui, Naoui. Matrié, Job. Oui, c'est très bien pour moi aussi. Clévé de meuse, orbet blamant, rois, bah quand a bob, quand bugalé, scolzant tolek. Oui, alors j'ai entendu que vous étiez allé encore cette année au camp Norbob avec les enfants de Zantolek. Mais nor que mes skolkin. Mais vous n'êtes plus instituteur. Ah non, voir me lever on pem blasso. Non, je suis en retraite, hein, voir me lever en retraite depuis 5 ans. Mais mon rende vais je n'amzer la skol vit zikou ar vugale de ganan. Oui, mais je vais de temps en temps à l'école pour aider les enfants à chanter. À gober ar ranze gant plija dur. Et je fais ça avec plaisir. C'est tu péra, gant bête, bah, plou de rien, gant ar vugale, et vite qu'en ar bob, ar SM1, agar SM2. Voilà, c'est pourquoi je suis allé, pour le camp Norbob, la plou de rien, c'est la commune à côté de Zantol, de l'autre côté du Blavet, cette année, donc, avec les enfants de CM1 et CM2. À Pessar, quand Nawen peut se connaître? Et quelle chanson vous avez chanté? Du gant Nawen, Zavet, gant Philomena, qu'adorait. Alors, deux chansons faites, donc Zaved, hein, ce serait levé littéralement, hein, par Philomena Cadoré, hein, de Bonnène. Hein. Alors, Vates Vian, d'Agentan? Vates Vian, hein, donc la petite bonne, hein, d'abord. Hein. À Yannick à Villevichère, Goudé. Et Yannick à Villevichère, ensuite. Alors, Garnawanze, à Blige d'Arvugale. Oui, cette chanson, les enfants l'aiment bien. Hein, c'est très enlevé. Hein. Mie Yannick à Villevichère, hein, voilà. C'est très, très, très, très bien enlevé, ça. Et vous avez eu le maout, hein, c'est-à-dire vous avez gagné, quoi. Il y a Chanik, à Prestik, à Prestik, Inroise de Bondy, et vite Davis Bras, Connor Bob. Et bientôt, j'irai encore avec eux à Pontivy. J'allais dire à Bondivy, comme en breton, à Pontivy pour le grand jour de Connor Bob, c'est-à-dire la finale. Chance va d'or, Noé, Job, à Kenarvégel. Oui, bonne chance à vous, Job, et puis à la prochaine. Kenarvégel, Chandik. À la prochaine, Chandik. On passe maintenant à la troisième partie, Petra Zonevervro, de troisième partie de Hent ar Brezhoneg. Thank you. Kras au neve arvro. Ma kals e draouz au neve arvro evel just bouervej di ouzan. Krogom de diantan evel kiz a custum, gant e labour douar hag vu oa ar mez. Ben de tiantan miz ebrel, de tiantan miz rebel, pelar in mat, oa echu en abaden evit ar hotaioù, oa ar lez. Hotaioù zo oa be lak de pleustre, pe oa be de Rocard, un autre Rocard, ou un ministre de l'Arbour d'Ouar de Houls, avec très grand lasso, hein, puis tu vois, Zéwaba Bla, père à Perugen. Avec de Houls, ou avec Calzedud, à Wayen de Rotayo, à Gouel rentre vraiment au Calzedud, à Zoyen de Ténonémez. Disevé qu'on, non, or très grand, là, ne change d'un trou. Bon, n'est que bran à goutte, puis on drava, puis on dravalé, d'un lard à Vondra Spontus, d'un lard à vos on drava de vite en genre de zone laisse bavro bon red vos gueule un peu sa mode vos con ag réveo vélo de ce que gueule belzo ou abé de salon de l'arbre d'ouar ba paris comme de moi me dessus ag vide vide gis lambiquet goudrait pétarier gis lambiquet non c'est un gars avec l'air de pomo. Ah, Gis Lambiquet, c'est une wabé de Zoro d'Orprise, Vedal le Nauer, Pelarin Mod, d'Orstal Varangem, Zo Balanuyon. Un de Gis Lambiquet, Zo Matri, Zo Ar, parce que Bétan venant, mais Zo Matri, puis John Osbé de Vedal le Nauer. Comme ce vécal de Ormarimon de Zo Wispen Broasie, Bisque non prévende, hein. On so, y hang les vespa valu, velutina nigritorax, hein. Ag, galak velard frelon asiatique. Ag, bredon, brev, wispen boasi. Ag, bon, calze, en prévende de, ve distruge de grande londe, à Tristol, leur gwenan. Ag, bon, londe, zoaï, bavro, boue, d'auville père. De diant en wabat trop de Bordeaux, bah bro Gironde, à Waller, ne se nonne l'aide de voir toute Brovrance, mais quasi tout de Brovrance. Ag, bon, zira, calze drouk de Gwenan, sais-tu, vraiment, vé là que pécho, évite tape poilon, ne sais. Ag, pécho, ze vé là que bire, gant cassi. On est peu ski, on m'a peu soin de grette gant bire. À mesang, blige à zédé. Bon, sais-tu, ma treizaine vogel de pêche au temps me pébler, vit tapou long, médecin, à la cabire des grandes cassis. Des vaisseaux ou à gouel, Hamelia, bah gouelgan, à gue blanc, me zo ben deptor, dude, vit de blayoel, puis dio à, nomzo ou à spontus, hein. Mais bon, me sras au bécal, je dude, hein, à gue, ker ou antro, evel juste. Parouz mellion nek de zbe ne veso, ur pris, hein, evit de la bourrade heb louzeyer chimik, hein, zezo pris zéro phyto vegat de ze, quoi. Hag, vid, vid la kalendu de ziran in plij produit ou chimik, hein, vid l'ar planté, nou a beb sortre ou. Hag, bon, zezo e bouez vid parouz mellion nek pe dur mammen e skorf zo ba mellion nek evel just. War dachen ur politik eres, tramen de ur votad ou evit un departement chou, hag vid eo do en arvor e ed ur maout gant un tu gwen. Hag bremañ un tu kleil vo ba un tu en evel just. Pe gontant deus votad egou, ne meus ke kleil kom skalz deus e brezon ne gant ur rewa kaz mont war ar renk. Politiker, yendre vras, n'in ke jar le gant se, jo a. Mais bon, peut dire se mon compte, quoi. Log ivi plus gras, pe l'arin mat, zo be hat digor en des vaisseaux, on osteleri zo handvet, Saint-Emilion. Ne ke de blanc mort d'orguin, hein. Jonjal refendut, bon, ban osteleri zo a ve evet Saint-Emilion. Ma treize en fait mais de, zan des millions, puis, brezon, le velard zan de millions, zo, zan de braise, à gouet, babroa qui tène de chom ou à l'air, disons, cause, vecave, zan des millions, vide guine. Agustin, zo batrou, oas zo batrou, zo batrou lo givive, gret Saint-Emilion de son, mais n'est que dour, hein, ne ce que qu'une barz, hein. M'avait fait bé, ton ma j'ai bé, get fort, une grande tude lo givive, ma vie j'ai bé dou, guin. Wardash en économise, on n'éventis pont, tu zo barostrain, plus dur, star l'intermarché, vos heures, zéret, ben triblam, hag zézon tolva, les villes rostrain, les villes juste, plus dur, ouais, spendau han du, do labour à des noms, quoi. Bon, politico, y'en glas que har zé, mais zuroir et poids en affaire. Bon, comme ze vécal, zur mar et monde, ze len guerlédan, plus dur, tant ma tant, mon honte hisk, hag monde racal, ze dut de veld, à zuroir, pas de, non, vocal, ze dut à, Teil de Veld. Hars d'ours, ou abit de zavet, ou abit krog de zevel nan, ba bla milno rentri à Warnugen, an labourio n'y oua pas de seis, là. C'est-tu ou abit de digor de bla milno rentregon. Hag bon, blam et gal zedu de Veld, plus dur, bip tregon l'avait disir de laine, mesan le vaut que gretin ou alair, mais de bip tregon l'abit abraman, avait disir, adam. Un vaisseau ou abe de zizune veuzeur brezonek, agar galowek, on tombe pebler bavro, a oa gret tro ou jusma de oa kinig tro ou ariez ou breiz, da skoer oa arriva, cinéma, prezegenu, arvestu, ag bob sort tro. Pe on okomz de zeur brezonek oaz, or geria dur euskar ag brezonek, eus obe de imban un vaisseau, Skarag brezon nog a brezon nog Skarag. Skarag e le basque in galag. Hag lever zeus o geriad ur zeus o skrivet gant Patrick na basque. Hag im bon ade gant nabaden gant im bon adur yo elanv. Koustera triver euro. Hag an sem un peu soin de ziski Skarag. Dre ar brezon nog ne ke met triver euro. Ne ke tout un trou. Comme je vais déjà, puis on compte de ce brison de Grasse, de ce reda de Gévida en brison, donc Babla d'Auville Huizek, à Bamise du, de Vaudi Babet, quand on a un officier et le reda d'Auk. A que ce goût le grand réseau capte au grand Owen de Dorsey. Parce que Wander au grand Owen, Morgan. Et moi encore au Dorsey. Ma trêve, je ne vais faire bémote. Ja, mais des goulens quand tu d'avoir scrivant Robert. Très des scrivant quand oui nous. Ja, Serge Loire. Ouais, Serge Loire, sais tu. Mais fait bémote, hein. Bon, ma gueule vaut puis ça monte quand tu ouais en mode vide en grand homme Redad. Bon, sais tu même vrai on tombe trop à Pessonné et Bavro à la Randartier Norvégel Morgan. Kenavo Eri.